Nous entendîmes alors des hurlements et des cris. Puis, nous arrivâmes près d'un fossé semblable à un four dont l'ouverture était étroite et dont le fond était très large. De ce fossé, un feu jaillissait. Et à l'intérieur de ce fossé se trouvaient des hommes et des femmes nus. Lorsque le feu attisait, les flammes soulevaient ces gens. Les flammes soulevaient ces gens au point qu'ils sortent presque de ce fossé. Et puis soudainement, le feu s'atténue. Et ils retombent tous au fond de ce fossé de feu. Et alors je demandais, ya subhanallah, qu'est-ce que cela? Et mes compagnons, c'est-à-dire Jibril ou Mikaïl, et mes compagnons me répondirent, intaliq, intaliq, poursuis ton chemin, poursuis ton chemin. Jusqu'à la fin du hadith, où ils lui dirent, les gens que tu as aperçus dans le fossé sont ceux et celles qui commettaient la fornication. À l'intérieur de ce fossé, mes chers frères et sœurs, se trouvaient des hommes et des femmes nus. Et ainsi, ce sont ceux et celles qui forniquaient dans ce bas monde. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, les vit dans ce fossé semblable à un four à pain que l'on trouve dans certains pays arabes. Et dans une autre version, un fossé dont le fond est très large et dont l'ouverture est très étroite. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, les vit ainsi. Des hommes et des femmes nus, les flammes surgissent de sous leurs pieds. Et lorsqu'elles apparaissent, voilà que ces hommes et voilà que ces femmes crient et qu'ils ressentent une douleur et qu'ils souffrent et qu'ils subissent un châtiment et un supplice et qu'ils pleurent. Et voilà que ces flammes de ce feu les soulèvent jusqu'au sommet de ce fossé, jusqu'à ce que ces gens croient pouvoir s'en sortir. Et c'est alors que le feu s'atténue pour les renvoyer au fond de ce fossé et au fond de cette profonde prison. Et lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, demanda à leur sujet et demanda à leur propos, on lui répondit, ce sont ceux et celles qui commettaient la fornication dans ce bas monde. Ceux et celles qui jouissaient de la turpitude dans ce bas monde. Ceux et celles dont leur sexe prenait du plaisir en se servant de ce qui était interdit. Quel sera leur châtiment? Quelle sera leur récompense? Ils seront enfermés dans cette profonde prison. Et ils seront placés dans ce fossé rempli de feu. Wal'iyadu billah. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, les vit ainsi. Et informa ainsi de leur sort. Et de la raison de leur emprisonnement dans ce terrible endroit. Et on lui répondit ainsi. Tels sont ceux et celles qui commettaient la fornication. La fornication, az-zina, mes chers frères et sœurs, représente et constitue ainsi une cause parmi les causes du châtiment de la tombe. Ceux et celles ainsi qui ont commis la fornication, ceux et celles qui ont joui des turpitudes dans ce bas monde, et qui ont joui de leur chasteté par le biais de ce qui était interdit, tel sera leur châtiment. Ils seront emprisonnés dans cette prison terrifiante et dans ce fossé de feu. Et ainsi, mes chers frères et sœurs, la fornication, az-zina, représente et constitue la troisième cause parmi les causes du châtiment de la tombe citée dans le hadith de Samurat ibn Jundub radiallahu anhu. La fornication, az-zina, mes chers frères et sœurs, un délit qui s'est propagé et un crime qui a atteint un haut degré de nos jours. Et nous ne disons pas dans les pays occidentaux, mais également dans les pays arabes et musulmans, malheureusement, de nos jours. Est-il ainsi ce que nous a dit Al-Habib al-Mustafa, alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, selon Abi Malik al-Ash'ari radiallahu anhu. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, il y aura dans ma communauté des gens qui déclareront licite la fornication, le port de soie pour l'homme, les boissons alcoolisées et l'usage des instruments de musique. Il y aura dans ma communauté des gens qui déclareront licite la fornication, le port de la soie pour l'homme, les boissons alcoolisées et l'usage des instruments de musique. Et les savants ont dit à propos de ce hadith que l'expression « qui déclareront licite » possède deux significations. La première, c'est le fait de l'appeler et de la nommer d'un autre nom que son nom d'origine. Et la deuxième, c'est que cet acte se propage jusqu'à ce qu'il devienne une chose banale parmi les gens. Et certes, les deux significations sont présentes de nos jours en ce qui concerne la fornication. Car la fornication, mes chers frères et sœurs, s'est répandue dans beaucoup de pays et chez beaucoup de gens de nos jours. Et ils l'appellent ainsi avec d'autres noms, tels la relation amoureuse, telle l'amitié et la relation simple, jusqu'au point où tu aperçois certains hommes qui ne sont point des hommes de nos jours en vérité, voir leurs filles et observer leurs femmes ou leurs sœurs avec des hommes et avec des jeunes dans les lycées et dans les universités, dans les marchés, dans les maisons de jeunes. Et lorsque tu lui dis « Ittaqillah », lorsque tu lui dis « Crains Allah », n'as-tu pas peur pour les membres de ta famille? N'as-tu pas peur pour ta femme, ta fille ou ta sœur? Lorsque tu lui dis cela, il rit de toi. Et il se moque de toi en te répondant que tu es un fanatique et un arriéré. Et il te dit alors « Sors de ta coquille ». Tu t'es fait influencer par les idées des fanatiques, malheureux. Et aujourd'hui, nous sommes, mes chers frères et sœurs, dans cette époque. Une époque de soi-disant égalité entre la femme et l'homme. L'époque de technologie et de lumière, comme ils le prétendent. Et ils vont même jusqu'à dire que si on devient strict envers nos femmes et envers nos filles, peut-être que cela pourra les pousser progressivement à la corruption des mœurs. Et alors ils te disent que le mieux à faire est de laisser ta fille marcher et parler et avoir une amitié avec qui elle le désire. Et tu n'as qu'à surveiller de loin. Et ils te sortent ainsi d'autres excuses tirées de cette fausse philosophie qu'ils ont apprise de leur maître et de leur professeur. Et ils la répètent comme des perroquets. Et ce, en contrariant la législation du Seigneur de l'univers et Azza wa Jal, et en sortant du droit chemin du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ayyuhal muslimoun, ô vous les musulmans, sachez que parmi les objectifs de notre noble religion, protéger et préserver les familles et la dignité. Et c'est pour cela que l'islam a été strict envers ceux qui commettent les turpitudes. Et c'est pour cela qu'Allah Jalla wa Ala a établi le lien dans son livre sacré entre la fornication az-zina et le plus grand des péchés, à savoir shirkul akbar, l'association. Et c'est pour cela de même qu'Allah Jalla wa Ala a fait le rassemblement entre l'interdiction de tuer la vie qu'Allah a sacrée, sauf en droit, et l'interdiction d'approcher la fornication. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Et n'approchez point la fornication. C'est en vérité une turpitude et certes quel mauvais chemin. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Et sauf en juste droit, ne tuez point l'âme qu'Allah a rendue sacrée. Et ainsi le fait qu'Allah Jalla wa Ala nous dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا et n'approchez point la fornication est une forme plus intense et représente une forme plus stricte que le fait de dire et ne commettez pas la fornication. Non, n'approchez pas la fornication. Ainsi cela signifie qu'il ne faut même pas l'approcher en regardant ce qui est interdit comme films érotiques et comme photos pornographiques, en regardant également les femmes étrangères sans prendre en considération les règles de la législation ni le comportement légitime. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Et n'approchez pas la fornication en demeurant dans un endroit isolé avec des femmes étrangères et ainsi en risquant de tomber dans les turpitudes. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Et n'approchez point la fornication en serrant la main aux femmes étrangères, c'est-à-dire aux femmes avec lesquelles tu as le droit de te marier. Et en effet, pour cela, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi et par l'imam al-Tabarani, et jugé bon par Sheikh al-Albani, selon Ma'qil ibn Yasar, radiallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il est préférable pour l'homme de se faire percer la tête par une aiguille que de toucher la main d'une femme qui ne lui est pas autorisée. Il est préférable pour l'homme de se faire percer la tête par une aiguille que de toucher la main d'une femme qui ne lui est pas autorisée. Wala taqrabu zina. Et n'approchez point la fornication en se mélangeant insouciamment avec les femmes dans vos lycées, dans vos instituts, dans vos universités, dans vos écoles, vos mosquées et vos maisons. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit, فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. Et si vous leur demandez à ces femmes quelque chose, demandez-le leur derrière un rideau. Ceci est plus pur pour vos cœurs et pour leurs cœurs. Ainsi, mes chers frères et sœurs, si cette prescription a été instaurée et établie par Allah Jalla wa Ala envers Ummahatul Mu'minin, envers Zawjatul Nabi alayhi salatu wa salam, envers les mères des croyants et les épouses du prophète alayhi salatu wa salam, qu'en est-il des femmes qui sont certes inférieures à elles, dans la sagesse et dans la dignité, dans la piété et dans la chasteté? Wala taqrabu zina. Et n'approchez point la fornication. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. C'est en vérité une turpitude. Et certes, quel mauvais chemin. Et certes, quelle mauvaise route. Et certes, quelle mauvaise destination. Et il ne serait jamais possible que la fornication soit un chemin pour les croyants. Et Allah Jalla wa Ala nous dit, الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. Et certes, cela a été interdit aux croyants. Et Allah Jalla wa Ala nous dit, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. Et ceux qui n'invoquent pas d'autres divinités avec Allah, et ceux qui ne tuent pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée sauf à bon droit, et ceux qui ne commettent pas la fornication, car quiconque fait cela encourt une punition et encourt le châtiment qui lui sera doublé au jour de la résurrection. Et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie, sauf celui qui se repent. Et il fut rapporté également dans les recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Selon Abdullah ibn Mas'oud radiallahu anhu, celui-ci nous dit, j'ai demandé au messager d'Allah alayhi salatu wa salam un jour en lui disant, quel est le péché le plus immense? Il me répondit, le fait de chercher à Allah des égaux, alors que c'est lui seul qui t'a créé. Je lui dis alors, certes, ceci est immense, et quoi d'autre? Et alors il me répondit, le fait de tuer ton enfant par peur qu'il partage ta nourriture. Et alors je lui dis, et quoi d'autre? Et alors le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, me dit, le fait de commettre la fornication avec la femme de ton voisin. Le fait de commettre la fornication avec la femme de ton voisin. Le fait de commettre la fornication avec la femme de ton voisin. Dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari ainsi que dans celui de l'imam muslim. Selon Abi Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit, celui qui commet la fornication ne possède pas une foi complète lorsqu'il la commet. Celui qui commet la fornication ne possède pas une foi complète au moment où il la commet. Et dans la version de l'imam Abu Daoud, avec une chaîne de transmission authentique, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, lorsque la personne commet la fornication, la foi sort de lui et se met au-dessus de sa tête comme un parapluie, et lorsqu'il a terminé d'accomplir ce péché, la foi revient en lui. Et de plus, mes chers frères et sœurs, ce grand péché et ce crime atroce est devenu normal et banal entre les voisins. Et ceci est certes le résultat de la drague et de la séduction entre les jeunes et les filles, lors des mariages et lors des fêtes, qui mettent certes et qui engendrent la colère du Seigneur de l'univers. Écoutez ce que nous a dit le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Écoutez ce qu'il a dit un jour à ses compagnons à propos de cela. Il leur dit, que dites-vous de la fornication? Alors ils dirent, c'est un péché qu'Allah et son prophète ont rendu illicite jusqu'au jour du jugement. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, Que l'homme fasse la fornication avec 10 femmes est moins grave qu'il la commette avec la femme de son voisin. Et le hadith a été rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission authentique selon Miqdad ibn al-Aswad radiallahu anhu. Et surtout avec la femme de son mari absent. Car certes l'imam al-Tabarani a rapporté avec une chaîne de transmission bonne selon Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit: l'exemple de celui qui couche dans le lit de la femme dont le mari est absent est comparable à comme s'il avait été dévoré par un noir parmi les noirs du jour du jugement, c'est-à-dire comme s'il s'était fait dévorer par un serpent noir des serpents noirs du jour du jugement. Mes chers frères et sœurs, sachez que si la fornication, az-zina, est répandue souvent dans le milieu des jeunes, sachez également que beaucoup de vieux ont été éprouvés par ce crime. Car certes, ce sont de vieux pervers qui, malgré le blanchissement de leurs cheveux et malgré le fait que leur colonne vertébrale soit courbée et malgré le fait que leur vue ait été affaiblie, cherchent et persistent et insistent dans leurs envies. Et quelles envies? Des envies illicites. C'est pour cela que l'imam muslim rapporte, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: trois individus, Allah ne leur parlera pas le jour de la résurrection. Allah ne les regardera pas. Allah ne les purifiera pas. Et ils auront un châtiment douloureux. Un vieux fornicateur, un roi menteur et un pauvre plein d'orgueil. Et dans la version de l'imam al-Bazar, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: trois individus n'entreront pas au paradis. Un vieux fornicateur, un roi menteur et un pauvre plein d'orgueil. Le vieux fornicateur, celui qui n'a pas honte d'Allah Jalla wa Ala, ni des serviteurs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ni de lui-même en commettant cet acte et ce délit. Et ceci, même au milieu des personnes âgées, wal'iyadu billah. Ainsi, lorsque l'humanité s'est éloignée du chemin d'Allah, et lorsque l'humanité a rejeté les prescriptions d'Allah, et lorsqu'elle fut atteinte de cette détresse avec toutes ses images et toutes ses couleurs, maintenant l'homme civilisé s'en va satisfaire ses envies dans ce qui est licite et illicite. Donc il prend comme chemin la fornication, afin qu'il soit jeté dans ce marais d'impureté et de souillure. Et ne se contente ainsi pas d'une épouse licite, mais bien au contraire, il veut une femme illicite. Et il ne cesse pas de commettre la fornication après la première, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Et ensuite les spermes se mélangent et les généalogies se mélangent et leur parviennent alors le châtiment et la punition d'Allah Azza wa Jal. Car certes Allah n'est pas injuste envers ses serviteurs. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit: lorsque la fornication ou les intérêts seront connus chez certains gens, ils amèneront le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Un hadith rapporté par l'imam Abu Ya'la avec une chaîne de transmission bonne selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Na'am ayyuha al-ahbab. Le châtiment d'Allah Azza wa Jal a parvenu à beaucoup de gens à cause de la propagation de la fornication az-zina. Et ceci n'est pas particulier aux mécréants. Et ceci n'est pas spécifique aux mécréants, mais bien au contraire. Ceci est général et peut même parvenir aux musulmans. Et la preuve en est ce que rapporte l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission bonne selon Maïmouna radiallahu anha. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma communauté se portera toujours bien sauf lorsque les enfants issus de la fornication se propageront. Sauf lorsque les enfants issus de la fornication se propageront. Et lorsque les enfants issus de la fornication se propageront, Allah Jalla wa Ala sera ainsi sur le point d'envoyer un châtiment à tout le monde. Et c'est malheureusement certes ce qui se passe de nos jours. Nous entendons certes beaucoup de sociétés incitées à s'occuper de ces enfants dans beaucoup de pays arabes ou musulmans. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'associations qui les défendent. Et si ceci nous prouve quelque chose, ayyuha al-ahbab, ceci est une preuve qu'il y en a beaucoup dans nos pays. Et cela prouve que les gens encouragent ces actes. Et ainsi, ceci encourage et motive beaucoup de filles à commettre ces turpitudes. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de ces filles tomber enceintes de la fornication. Puis, elles vont accoucher et elles vont donner leurs enfants à ces associations. Et le plus étrange de tout cela, mes chers frères et sœurs, c'est que de nos jours, ont construit des maisons destinées à la fornication et aux turpitudes, jusqu'au point où ils ont mis en place des administrations et des lois pour cela. Et donc l'homme qui désire commettre ce délit, qui désire accomplir cet acte répréhensible, se présente et va voir le gardien et paye quelque chose, rentre et commet cet acte en toute sérénité et en toute tranquillité. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils ont construit ces maisons et ils ont mis en œuvre ces associations et ils sont devenus très connus au point où tu ne peux même plus les contester car ils ont dès à présent des lois et des structures bien organisées et tout cela n'a fait que motiver les gens à commettre ce grand péché et à commettre ces turpitudes. Et ce qui est étrange également, c'est qu'il y a également un grand nombre d'instituts et de lycées qui fournissent aux filles des pilules et des préservatifs aux hommes en prétendant vouloir amener les gens à prendre connaissance et à éveiller les jeunes afin de les protéger des maladies. Mais toutes ces causes, ayyuha al-ikhwa, ne représentent et ne constituent que des mensonges cachés et des prétextes mensongers. Car derrière tout cela, il y a des gens qui ont comme ferme résolution de faire sortir les jeunes de la lumière aux ténèbres et du cœur de cette communauté, et ne veulent que les pousser dans les marais des turpitudes et des impuretés. Mais certes, Allah Jalla wa Ala nous montre tous les jours ses pouvoirs, et nous dévoile tous les jours ses punitions et ses châtiments qui parviennent à ces gens-là. Car certes, toutes les maladies sexuellement transmissibles, et en particulier la maladie du sida, constituent certes, et représentent certes une punition, et un châtiment provenant d'Allah Azza wa Jal, et représente les fruits qu'ils ont récoltés de la fornication, de l'adultère et de turpitude. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit, وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Et certes Allah n'a pas été injuste envers eux, mais ce sont eux qui ont été injustes envers eux-mêmes. L'imam Ibn Majah et l'imam Al-Bazzar ont rapporté avec une chaîne de transmission bonne, selon Abdullah Ibn Omar radiallahu anhuma, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, lorsque la turpitude sera apparente sur les gens et qu'ils la rendront publique, les maladies et les épidémies qui n'étaient pas présentes auparavant se propageront chez eux. Lorsque la turpitude sera apparente sur les gens et qu'ils la rendront publique, les maladies et les épidémies qui n'étaient pas présentes auparavant se propageront chez eux. Alors certes, tout ce que tu as dit est certes véridique, ya Rasulallah. Car aujourd'hui, et wallah, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui meurent. Et le dernier bilan est énorme concernant les gens morts à cause de cette maladie malicieuse. Il y a également de nouvelles épidémies qui sont apparues. Et même si ces maladies n'ont pas de lien ni de relation avec les turpitudes et la fornication, cela représente et constitue un des aspects de la punition d'Allah Azza wa Jal sur cette humanité qui s'est rebellée envers les prescriptions d'Allah et qui s'est enflée d'orgueil envers les ordres et les interdits d'Allah Jalla wa Ala. Car comme nous avons cité dans le hadith auparavant, que de nouvelles maladies et épidémies se propageront chez eux et se propageront chez ceux qui rendront les turpitudes publiques. Et ces épidémies, nous ne les connaissions pas auparavant. Et elles représentent ainsi la cause des immoralités et des turpitudes et du rejet du chemin d'Allah Azza wa Jal. Alors, ô toi qui commets cet acte et ô toi qui jouis des turpitudes dans ce bas monde, as-tu pensé aux conséquences de cet acte? Et as-tu réalisé les véritables conséquences de tes actes? Car certes, ce que nous venons de te citer sont les conséquences dans le bas monde. Mais t'es-tu représenté, as-tu réalisé les conséquences dans l'au-delà, ayyuha al-abd? Les conséquences dans la demeure dernière, elles commenceront dès ta mort. Et avec quoi? Avec azab al-qabr, avec le châtiment de la tombe. Tu seras emprisonné, car le plus souvent, tu te cachais en te faisant tout discret afin de commettre cet acte et tu te glissais chez les gens afin de commettre la fornication et afin de salir la dignité et l'honneur de cette famille et ainsi faire entrer dans leur famille des enfants provenant d'une relation illicite. Et c'est pour cela qu'il est de droit Allah Jalla wa Ala qu'il te donne une punition de même sorte que le crime que tu as commis. Et alors il te cachera et alors il t'emprisonnera dans ce fossé de feu jusqu'à ce que ce feu te fasse monter à la surface. Car certes ton corps s'agitait de jouissance illicite, et alors il est certes conforme que ton corps subisse et que ton corps ressente un châtiment de même sorte que ce qu'il a commis dans ce bas monde. Et c'est pour cela que de la même façon, le feu agitera ton corps jusqu'à ce que tu crois que tu sortiras de ce fossé maudit Et c'est alors que le feu s'atténuera par l'ordre d'Allah Azzawajal, et que tu retourneras alors à cette tristesse et à ce châtiment jusqu'au jour du jugement. Et la récompense est proportionnelle à l'œuvre effectuée. L'imam Ibn Khuzaymah et l'imam Ibn Hibban rapportent avec une chaîne de transmission authentifiée par Sheikh Al-Albani, selon Abi Umamah Al-Bahili, radiallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un long hadith où il a cité quelques causes du châtiment de la tombe. Puis nous poursuivîmes notre marche jusqu'à ce que nous arrivâmes à des gens gonflés qui puaient et qui dégageaient des odeurs telles celles des toilettes. Et alors je demandais qui sont ces gens-là, et on me dit ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. Ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. Ils dégageaient une odeur qui puait, et ils avaient des ventres qui se décomposaient, et ainsi telle est la récompense de ceux qu'ils œuvraient. En effet, ce sont ceux et celles qui se parfumaient dans ce bas monde pour exciter leur désir et le désir des autres. Et c'est pour cela que l'islam a interdit le fait que la femme se parfume en dehors de son mari. Alors prenez garde, ayyuha l'ikhwa, l'islam a interdit à la femme de se parfumer, sauf si ce n'est pour son mari. Et de ce fait, si elle transgresse cela, elle sera considérée comme une fornicatrice. Et la preuve en est un hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous dit « Quiconque parmi les femmes se parfume et se retrouve auprès des gens afin qu'ils sentent son odeur, sera considéré tel une fornicatrice. » Quiconque parmi les femmes se parfume et se retrouve auprès des gens afin qu'ils sentent son odeur, sera considéré tel une fornicatrice. Alors agrées-tu que ta fille soit une fornicatrice? Acceptes-tu ta femme comme une fornicatrice? Tu les envoies au mariage, et tu les envoies au marché et au lycée, alors qu'elles sont parfumées, et qu'ensuite les hommes sentent leurs odeurs? Et certes, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque parmi les femmes, alors qu'elles soient jeunes, et qu'elles soient petites, et qu'elles soient âgées, et qu'elles aient atteint la ménopause, quiconque parmi les femmes. Et dans la langue arabe, c'est un adverbe de condition, et du fait qu'il soit annexé avec un mot indéterminé dans la forme conditionnelle, cela donne un sens général au mot « femme » cité dans le hadith, ce qui englobe toutes les femmes. Alors combien de femmes trouve-t-on dans les marchés, les lycées, les universités parfumées? Et où se situe-t-elle par rapport au Coran et à la sunnah de leur messager alayhi salatu wassalam? Et wallah, la fornication ne s'est propagée et la fornication ne s'est multipliée qu'à cause du délaissement de la religion. Un délaissement conditionné par une pensée qu'ils ont résumée par une soi-disante ouverture d'esprit et par une soi-disante évolution qu'ils prétendent avoir, alors qu'en réalité ce n'est qu'un recul et un retour en arrière qu'ils ont sur le livre d'Allah et la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Allah nous dit « Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un » وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Et dit aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. Ceci est plus pur pour eux. Certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et dit aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. Je demande à Allah جل وعلا par ses noms parfaits, ses attributs sublimes, qu'il nous préserve de la fornication ainsi que de toutes les turpitudes tant apparentes que cachées. إنه ولي ذلك والقادر عليه. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et en tenant ces propos, j'implore son pardon pour moi ainsi que pour vous. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Sachez, أيها المسلمون également, que la fornication ainsi constitue une cause parmi les causes du châtiment de la tombe, durable et incessable. Et la fornication ainsi possède des conséquences et des punitions dans le bas-monde ainsi que dans l'au-delà. En effet, le fornicateur héritera de l'humiliation et du déshonneur et de la honte, et il héritera de la pauvreté et de la destruction des foyers. Et ainsi, le fornicateur jouira certes de ce crime pour en récolter plus tard ses fruits amers. Le fornicateur, ayyuhal ikhwa, en commettant cet acte, provoquera certes la colère d'Allah Azza wa Jal sur lui. Et si le fornicateur commet l'adultère, c'est-à-dire commet la fornication tout en ayant déjà consommé un mariage licite, alors le roi ou le gouverneur du pays à ce moment-là a le droit de l'exécuter. Comme il fut rapporté dans les recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, selon Ibn Mas'udi radiallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit: l'âme du musulman qui témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et que je suis le messager d'Allah, cette âme n'est point autorisée à l'exécution excepté trois personnes. La personne adultère, la personne qui tue une personne volontairement sans aucun droit, et la personne qui a abandonné et qui a détourné sa religion. Et certains ont dit de même que la fornication est une dette qui sera toujours due par la famille de celui qui l'a commise. Alors sache, ayyuhal zani, ô toi le fornicateur, sache que si tu vas commettre la fornication chez les gens pour 1000 dirhams, la fornication sera certes commise dans ta propre famille pour le quart d'un dirham. Et celui qui commet certes la fornication avec les femmes des gens, il y aura absolument quelqu'un qui la commettra avec sa famille. Et quiconque regarde les femmes des gens, les gens regarderont ses femmes. Alors as-tu pensé à tes femmes? As-tu pensé à tes filles? As-tu pensé à tes sœurs? L'imam Ahmed rapporte, avec une chaîne de transmission authentique, selon Abi Umamah al-Bahili, radiallahu anhu. Celui-ci a dit un jour, un jeune vint auprès du prophète alayhi salatu wassalam et lui dit: ya Rasulallah, autorise-moi la fornication. Et alors les gens se mirent à le chasser en lui disant: ma. Et ainsi le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: approche-toi. Il se rapprocha de lui jusqu'à ce qu'il soit près de lui, et alors le messager d'Allah alayhi salatu wassalam lui dit: accepterais-tu que quelqu'un commette la fornication avec ta mère? Et alors le jeune répondit: non, et wallah, je sacrifierai mon père et ma mère pour toi, ya Rasulallah. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: et les gens aussi n'aiment pas cela pour leur mère. Puis il lui demanda: accepterais-tu cela pour ta fille? Et alors le jeune répondit: non, et wallah, je sacrifierai mon père et ma mère pour toi, ya Rasulallah. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: et les gens aussi n'aiment pas cela pour leur fille. Puis il lui demanda: accepterais-tu cela pour ta sœur? Le jeune répondit: non, et wallah, je sacrifierai mon père et ma mère pour toi, ya Rasulallah. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: et les gens aussi n'aiment pas cela pour leur sœur. Puis il lui demanda: accepterais-tu cela pour ta tante paternelle? Le jeune répondit: non, et wallah, je sacrifierai pour toi mon père et ma mère, ya Rasulallah. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: et les gens aussi n'aiment pas cela pour leur tante paternelle? Puis il lui demanda: accepterais-tu cela pour ta tante maternelle? Le jeune répondit: non, et wallah, je sacrifierai mon père et ma mère pour toi, ya Rasulallah. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: et les gens aussi n'aiment pas cela pour leur tante maternelle. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam posa sa main pure et bénie sur le jeune homme et dit: oh Allah, pardonne-lui ses péchés, purifie son cœur et préserve sa chasteté. Et après cette invocation, ayyuhal ikhwa, ce jeune homme ne tourna plus ses regards à ce péché. Et il fut dit également dans une autre version que les gens ne l'ont pas laissé partir jusqu'à ce qu'il ne l'ait marié. Telle est la bénédiction de l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam. Alors le fornicateur, lorsqu'il jouit de l'interdit, a-t-il pensé à sa sœur, à sa fille, à sa mère? A-t-il pensé à ses tantes et à toute sa famille? Alors certes, craignez Allah azza wa jal et baissez vos regards et préservez votre chasteté. Comme Allah nous dit: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Et ceux qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leur épouse et leurs esclaves qu'ils possèdent, car dans ce cas on ne peut pas les blâmer, alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont eux les transgresseurs. Certes, ainsi nous invitons tout musulman à craindre Allah Azza wa Jal et à faciliter le mariage aux hommes et aux femmes, et ainsi qu'il se rappelle de ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: quiconque vous demande de le marier et dont vous êtes satisfait du comportement et de la religion, mariez-le. Et certes, si vous ne le faites pas, se propagera une grande tentation et une immense corruption sur terre. Quiconque vous demande de le marier et dont vous êtes satisfait de son comportement et de la religion, mariez-le. Et si vous ne le faites pas, se propagera une grande tentation et une immense corruption sur terre. Car certes, de nos jours, un grand nombre de parents mettent des obstacles sur le chemin du mariage de leurs enfants. Et la grande corruption dont nous a parlé le prophète alayhi salatu wassalam est certes déjà arrivée. Entre les dots qui sont exagérées et entre les charges coûteuses de mariage dont Allah n'a fait descendre aucune preuve, entre le faible poids de la religion dans les cœurs des musulmans de nos jours et les corruptions avec toutes leurs formes et toutes leurs facettes, et avec ce que diffuse la télévision comme programme, et avec ce que diffuse la télévision comme programme, les jeunes n'ont plus qu'à tomber dans les turpitudes. Et beaucoup de jeunes hommes et de jeunes filles également refusent de se marier à cause des études et prétendent de même qu'ils n'ont pas encore trouvé le meilleur époux et la meilleure épouse, et d'autres causes qui ne sont autres que des chemins lancés par Shaytan. Alors que certes le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Ya ma'shar al-shabab, ô vous les jeunes, quiconque peut se marier, qu'il se marie, car c'est un moyen pour lui de baisser le regard et de préserver sa chasteté, et s'il n'en a pas la capacité, alors qu'il jeûne. Un hadith rapporté dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari et de l'imam muslim, selon Ibn Mas'oudi radiallahu anhu. Alors, ayyuha al-shabab, ô vous les jeunes, ceci est un appel de la part du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, afin de se précipiter vers le mariage lorsqu'on possède la capacité de se marier. Et cette capacité constitue un moyen matériel et personnel. Et cet ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam représente certes une obligation. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, alors qu'ils jeûnent. Car le jeûne affaiblit le serviteur afin qu'il ne regarde pas et afin qu'il ne se retourne pas vers ce qui est interdit. Alors le père a-t-il pensé à cela? Le père a-t-il pensé que le fait qu'il interdise à sa fille de se marier en refusant les jeunes qui viennent la demander en mariage à cause de leur barbe ou à cause du manque de leurs moyens, le père a-t-il pensé aux conséquences pouvant arriver à sa fille? Le père serait-il content d'entendre des choses affreuses concernant sa fille? Serait-il fier que sa fille tombe dans la fornication, wal'iyadu billah? Serait-il heureux de laisser sa fille se faire brûler par le feu des envies et du désir? Certes, parmi les plus grandes causes de la propagation de la fornication, ayyuha l'ikhwa, chez les jeunes, le fait d'avoir rendu difficile le mariage, dont Allah n'a fait descendre aucune preuve sur cette façon d'agir. Alors tout le monde se doit certes de craindre Allah Azza wa Jal et de revenir au chemin du livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Ce, afin d'éliminer et afin de faire disparaître ce phénomène catastrophique et ce crime atroce, afin que les regards demeurent baissés et afin que les chastetés demeurent préservées. Car comme vous venez de l'entendre, la fornication azina est un acte qui mérite et qui engendre et qui entraîne et qui cause le châtiment de la tombe. Et ceci commence dès la mort. Et ce, jusqu'au jour du jugement, cette personne sera ressuscitée avec son crime et avec son action honteuse, déshonorée et compromise. Et la colère d'Allah Azza wa Jal, elle atteindra. Alors, ayyuha l'ikhwa, craignez Allah Jalla wa Ala. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ne peut provenir que de moi ou de Shaytan. Et je demande à Allah Jalla wa Ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il accorde sa bénédiction à lui ainsi qu'à sa famille, ses bien-aimés, ses compagnons, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier, et notre dernière vocation, et que toutes les louanges appartiennent au Seigneur de l'univers. Wa